Alors, vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1. Nous allons nous déplacer en Europe pour examiner ce que deviennent les déchets dangereux. On les met où? On en fait quoi? L'Agence européenne pour l'environnement vient de publier un rapport sur la question et Pierre-Olivier Desmarchais, notre spécialiste en droit de l'environnement, a décortiqué ce rapport. Alors, bonjour Pierre-Olivier. Bonjour. Alors oui, c'est le 6 novembre dernier que l'agence, en fait, qui est un organisme européen voué à la préservation et la surveillance de la qualité de l'environnement, qui a publié un rapport sur le mouvement des déchets dangereux et autres déchets à l'intérieur de la zone euro, mais également sur l'exportation, donc en dehors des frontières européennes. Alors, peut-être qu'on peut commencer par définir ce qu'est une matière dangereuse. Oui, alors, mettons une chose au clair, François, oui. En partant, là, un déchet, c'est une matière qu'on veut éliminer. Oui. Donc, ce n'est pas une ressource, ce n'est pas une ressource qui peut être utilisée pour être valorisée. Uh-huh. Alors, c'est vraiment une matière qu'on voue à l'incinération ou à l'enfouissement, par exemple. Concernant les déchets dangereux, alors je dirais qu'il y a plusieurs tests pour déterminer si une matière est un déchet dangereux. Ouais, ça prend une définition quand même, hein? Exactement. Donc, d'une part, c'est soit par rapport aux caractéristiques de la matière, qu'elle est explosive, inflammable, qui au contact de l'eau peut émettre des gaz inflammables, comburantes, toxiques, infectieuses, corrosives ou libérant des gaz toxiques là, au contact de l'air. Selon la réglementation, une matière peut également être considérée comme étant dangereuse si elle appartient à une catégorie de déchets particulière, comme par exemple les déchets cliniques provenant des soins médicaux, oui. Issus de la production de produits pharmaceutiques ou pour la préservation du bois, des solvants organiques, des opérations d'élimination de déchets industriels. Des substances contenant des PPC ou de la production et de l'utilisation de résine, de latex ou de colle et d'adhésifs. Alors, un autre test également, donc une matière peut aussi être qualifiée de dangereuse si elle contient, par exemple, du beryllium, du cuivre, du zinc, de l'arsenic, sélénium, mercure ou plomb, etc. Donc, la liste. Une description assez exhaustive. Oui, mais je te dirais qu'elle... Elle n'est pas complète non plus. Elle ne l'est pas, puis je pourrais sans doute passer les 15 prochaines minutes à déterminer tous les éléments qui peuvent déterminer ce qui est une matière dangereuse. D'accord. Alors, concernant l'autre catégorie, donc on les appelle souvent les autres déchets, oui. Je vous dirais que, essentiellement, c'est l'ensemble des autres matières qui n'entrent pas dans la catégorie des matières dangereuses. On retrouve également les résidus domestiques, comme les emballages puis les matières organiques, dans cette catégorie-là. Bon, donc en termes de définition de matières dangereuses, en fait, on en ratisse assez large, mais quand on parle de mouvement de déchets, on parle de quoi? Oui, bon, en fait, faut savoir que depuis 1993, c'est l'année où les pays européens ont créé le marché unique. Là. C'était l'adoption du traité de Maastricht, okay. Qui avait pour objectif d'assurer la libre circulation des personnes, des marchandises, des services, des capitaux sur le territoire. Et des déchets dangereux? Ben, en fait, les déchets faisaient partie, c'est un peu le problème au niveau juridique, la qualification du déchet. Et bien entendu, on essayait de faire passer le déchet comme étant une marchandise. OK. Alors, faut dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne regroupe 27 pays, donc c'est un territoire qui est quand même assez considérable. Faut dire également que les Européens ont toujours prôné les principes de proximité et d'autosuffisance en matière de gestion des déchets. Alors, de quoi il s'agit exactement? Eh bien, ces principes exigent que le traitement des déchets se fasse le plus près possible du lieu où ils ont été produits et que les États investissent, en fait, dans les infrastructures nécessaires pour les traiter. Mm-hmm. Alors, comme ça, on évite justement le mouvement des déchets. D'autre part, la réglementation sur l'exportation hors Europe, si on veut, des déchets, est une des plus contraignantes au monde et fait en sorte que l'Union européenne, aujourd'hui, dans les pays, normalement, étant donné qu'il y a une réglementation assez importante, on retrouve un gisement assez important de ces déchets-là. En fait, est-ce qu'on peut s'assurer un bon traitement des déchets quand ils sont envoyés en Afrique ou en Asie, par exemple? Bon, ben, il faut savoir que le mouvement des déchets peut constituer un choix intéressant pour permettre leur valorisation dans des pays, par exemple, qui détiennent la technologie pour le faire, ou Peut-être de l'Allemagne, par exemple? Oui, de l'Allemagne qui a investi énormément dans ce domaine-là, où les déchets peuvent également être exportés, selon moi, pour constituer une matière première dans d'autres pays comme l'Asie qui sont très ont une économie de production. Donc, une marchandise commerciale, finalement. Exactement. Et non plus un déchet dont on veut se débarrasser. Bien, c'est ça. Il faut savoir également que dans certaines juridictions, ça peut être un déchet, mais dans d'autres, c'est une ressource. Parce qu'on a la technologie pour le valoriser. Exactement. Alors, ça rajoute en fait à la complexité du problème. Mais il faut savoir, la problématique, c'est le transport de ces déchets-là. Puis on se rappellera au Québec, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y avait eu un débat concernant le transport des déchets radioactifs des centrales nucléaires ontariennes sur le fleuve. Ouais. Et là, le monde s'inquiétait un peu parce qu'on se disait, bon, ben, si le bateau explose, les risques peuvent être, somme toute, assez considérables. Puis l'autre élément de ces l'autre problématique que je vois également, c'est on n'a aucune certitude à savoir si les déchets qui sont envoyés à l'étranger vont être traités d'une manière écologique. Donc, et qui va respecter aussi la santé des travailleurs. Là. Exactement, c'est ça. Donc, faut dire qu'au niveau international, on a la Convention de Bâle qui est en vigueur depuis mai 92, qui établit, si on veut, un mécanisme de vérification. Donc, premièrement, les États qui sont partis à cette convention-là ont une obligation de notification. Alors, les pays exportateurs doivent informer les autorités du pays importateur des caractéristiques des déchets à être envoyés avant d'approuver leur transport. Et bien entendu, le pays importateur doit également consentir à les accepter. Et depuis 1995, en fait, il y a eu un amendement qui a été proposé à cette convention-là, qu'on appelle le Ban Amendment. Donc, les pays membres de l'OCDE, qui regroupe pratiquement tout l'Occident avec le Japon et l'Australie, si je ne me trompe pas, n'ont pas le droit d'exporter des déchets dangereux dans les pays non membres. Donc, c'était pour protéger, en fait, tous les pays en développement, en voie de développement, ou même les pays émergents. OK. Alors, dans le rapport de l'Agence européenne, on apprend que le mouvement des déchets dangereux a grandement augmenté, si on veut, au cours de la dernière décennie. Est-ce qu'on a des chiffres pour appuyer ça? Oui, en fait, en 2009, l'Union européenne a généré 74 millions de tonnes de déchets dangereux, soit une augmentation de 28% par rapport à l'an 2000. En 2001 et 2009, donc pratiquement sur la décennie, la quantité de déchets dangereux en mouvement au sein de l'Union européenne, donc ça c'est à l'intérieur de ses frontières. De ses pays membres? Oui, exactement, a augmenté de 131%. Alors 97% des mouvements de déchets produits en Europe s'effectuent à l'intérieur de ses frontières, donc il reste un 3% qui est envoyé à l'étranger. Alors, on a également une augmentation de 197% de la quantité de déchets importés en Europe. Les Pays-Bas est le pays le plus grand exportateur, alors que l'Allemagne détient le titre au niveau de l'importation. Okay. Heureusement qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Oui, c'est ça. Ça facilite un peu le transport, ça raccourcit les distances. Et environ 75% de ces déchets exportés le sont pour être valorisés, alors que le reste est éliminé. Mmh. On comprend que ce va-et-vient de déchets dangereux représente un marché important, mais plus précisément, quel type d'industrie se cache derrière ce marché? Oui, en fait, premièrement, on a toutes les installations qui servent à entreposer les déchets dangereux. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on crée réellement des endroits où on envoie les déchets dangereux qui sont normalement issus soit de la production ou de la fin de vie, c'est ça. Exactement. Donc, ils sont considérés comme les plus grands exportateurs. Ensuite, nous avons les producteurs de fer et d'acier, l'industrie, bien entendu, des produits chimiques, manufacturiers de vitres. Ah oui? Oui, et tout ce qui est relié en réalité à la production énergétique. Ah ben oui, hein? Évidemment. Alors, d'autres statistiques sont intéressantes. Entre 1999 et 2011, l'exportation des déchets de plastique ont quintuplé. Ceux des métaux précieux ont triplé. Et concernant l'acier et l'aluminium, il s'agit du double. Donc là, je ne suis plus nécessairement ce ne sont pas des déchets dangereux, mais c'est la catégorie autres déchets. OK. Alors, autre élément, somme toute, assez intéressant. Depuis 2003, les États membres de l'Union européenne ont exporté une plus grande quantité de déchets plastiques en Asie qu'au sein de l'Union européenne. Donc, le plastique sort en ce moment de l'Union européenne pour se diriger en Asie. Alors, les autorités soutiennent que cette augmentation est principalement due aux objectifs réglementaires de récupération dans les directives européennes, le manque d'infrastructures chez certains pays pour traiter ce type de déchets, le prix chancelant des matières secondaires et je dirais également le prix élevé des matières premières avant la crise financière de 2008. Et la demande importante de ces matériaux, bien entendu, dans les pays asiatiques. Ah, tu disais que la production de déchets dangereux dans l'Union européenne avait augmenté et on pense nécessairement à une catégorie de déchets qui est en forte augmentation, celle des déchets électroniques. En fait, est-ce que le rapport en parle de cette catégorie de déchets? Oui, en fait, les déchets électroniques, je te dirais que c'est les déchets de l'avenir. Oui. Autant que les emballages, par exemple, l'ont été au cours des années 60-70, là, puis ça a été le principal flux de déchets du dernier siècle, les déchets électroniques remportent la palme pour les années 2000. Alors, l'agence soulève notamment qu'il y a pour le moment très peu de données sur le mouvement de ces produits. Elle a souligné également qu'il y a une partie de ce flux de déchets qui est envoyé en Afrique et en Asie. Alors, le problème étant qu'on a déclaré aux autorités que les produits sont encore utilisables alors qu'ils se cachent dans les cargos une grande quantité de produits défectueux. Uh-huh. Alors, on essaie de cacher en fait la quantité de déchets qui ne fonctionnent pas par uh-huh. des ordinateurs, par exemple, qui sont encore fonctionnels. Okay. Alors, le problème juridique, c'est que l'exportation des produits utilisables je le rappelle, est permise, même dans les pays à l'extérieur de l'Union européenne. Toutefois, quand il s'agit d'un déchet, on les considère comme étant dangereux. Alors, il est illégal pour les exportateurs européens de les envoyer sur d'autres continents. Alors, le défi est donc de taille pour les autorités européennes afin de renverser cette tendance et de trouver une solution. Alors, juste pour vous donner peut-être un exemple qui illustre bien que les déchets électroniques passent sous le radar des autorités, en 2008, on rapporte qu'il y a eu 3,4 millions de tonnes de déchets électroniques qui ont été collectés. Au même moment, 10,2 millions de tonnes de produits électroniques étaient mis sur le marché en vente. Alors, selon les statistiques et les estimations de la durée de vie de ces produits par l'agence européenne, entre 8 et 10 millions de tonnes de déchets électroniques auraient été générés en 2008. Donc, il y a un manque à gagner environ de 5 à 6 millions de tonnes pour cette année-là. Oui, tout à fait. Et puisque le temps nous manque un petit peu, Pierre-Olivier, en fait, est-ce que le rapport ne met pas en lumière les limites de l'application de la réglementation en place? Oui, en fait, malgré des... En 30 secondes, là? Oui, mais... En fait, on aurait beau avoir des règles qui sont des règles idéales, en fait, comme je l'imagine. Le problème, c'est que les autorités ont de la misère, en fait, à contrôler, à vérifier, à inspecter. Il y a tellement de manières de cacher ces produits-là, de les mettre sur du transport et de les envoyer. D'ailleurs, dans les années 80, c'est souvent ce qui est arrivé, c'est que on mettait sur des bateaux, les États-Unis ont fait ça avec des résidus de cendre d'un incinérateur, puis le bateau ensuite, il part à l'aventure et cherche un pays qui va bien entendu les accepter. Donc, pour les déchets électroniques, par exemple, j'ai l'impression que, d'une part, la demande est très haute en Asie. Donc, le marché est excellent au niveau du prix, là. Alors, les exportateurs sont encouragés à mettre ça sur un bateau, envoyer ça en Asie, sans nécessairement avoir aucune garantie que ça va être fait dans les règles de l'art. Puis, bien entendu, jusqu'à maintenant, on le sait que ça ne l'est pas fait. Alors... Il faudrait voir dans l'avenir comment que les autorités vont s'organiser, mais bien entendu, l'inspection, c'est également quelque chose qui est très coûteux. Donc, dans les faits, est-ce que c'est faisable d'arriver à tout contrôler? Alors, merci beaucoup, Pierre-Olivier Desmarchais. Ça fait plaisir. Alors, dans quelques instants, on s'intéressera à un autre type de déchet, en particulier le bois traité. On verra comment on peut le décontaminer. Alors, pour l'instant, on va passer en publicité sur CKRL au 89.1.